rap et plus j'ai la bonne méthode. Depuis que j'avance, je vois que les gens sont des rats. J'ai grandi entre le rap et les chansons arabes. Mec, tout pétera, c'est juste un pressentiment. Parce qu'ici la trahison se fait très très gentiment. Et tout ça s'introduit qu'on sent l'action. Je vois l'autre musique, un produit de consommation. Plus y'aura de keuf, et plus y'aura de délit. Et plus y'aura de preuve, et plus y'aura de délire. Plus y'a d'alcool, plus les petits vont boire. Moi je m'en méfie comme d'une meuf qui va en boire. Plus y'a les gens faux, les malheurs et les tracas. Mec, faut pas que tu craques, car personne t'est draga. C'est cousin, cousin qui t'a descendu. J'suis venu parce que j'ai entendu que les temps sont durs. J'avance, puis y'a des lâches qui parlent mal. Fidèle à moi-même pour pas que mon équipe perde le match. Puis y'a crapule, puis y'a ta fumée. Là le petit crépus va mettre un pull, on te met dans le vent. Ton poste ne l'éteint plus. Puis y'a du shit, plus les carottes s'organisent. On veut des sommes à deux chiffres pour combler nos carences organiques. Plus je m'ennuie, plus j'ai envie de foutre la merde. Alors je rappe parce qu'il paraît j'ai un don. Alors je me défoule avec. Puis y'aura des lois comme celle de Filon. Puis y'aura des jeunes en colère. Alors plus je rappe que l'État nous enfilons. Plus je prouve que le peuple est entendu et peut encore l'être. Si on suit ma gueule, plus je vais parler fort. Que tu sois que sous trapu, faut savoir combler le manque par l'effort. Plus le monde est fou, plus je deviens logique. Aussi vrai que si la mode du rap de merde revient, on chic. Parce que le KF chante et plus le rap progresse. Plus je cours après le trône, acharné comme une meuf qui a trop de graisse. Je suis issu d'une ville de box, sous la misère, fait caca au pète, ça c'est petit galère, plus dans le vide. Et je vois trop de petits sans repère, pas le fait ramer. C'est pas pour nous, on voit de plus en plus de phases, on cessera de l'être. KF, non, j'ai du mou, enculé de casse. Je traverse des trucs, tu vois, mec, t'entends pas. Reste à plage, pénable, c'est la plus fois, je m'en tape, je me tape des barrés quand on parle. On se rend compte, t'as rien, trop de salope. Trop d'art, vrai clou, carotte. Le genre de club, c'était pas pour chier qui te monte la tête, c'est quoi, c'est pas l'os. Maudit, c'est comme ça qu'on fait, je trouve ça trop laid. Ça se plaque, pour le KF et que son rap relaye. C'est là qu'on se rate, remet la caisse, la brasse. Vu que si on avance de temps, c'est qu'on en paierait, c'est pas pour chipper. À ce plus on voit qui squatte le net. Plus l'événement, je rêve d'un mérite. En bref, on donne nos rues. Plus la scarmonie, ça se termine mal. C'est là que j'ai vu le plus de mecs du Samuri. Tu vois, je fais de la pub. Bande à DRESS, car tu fais des rames aussi vrai que ta merde et que t'es lapsus. Nous, on est nos proches, on est pas de ceux qui délaissent leurs potes. Là, c'est KF, sur un son VS. J'avance dans le temps, plus je me rapproche des dieux, m'écartant des putes. Et de ces faux pas dieu me disant que pour réussir, faudra se plier nécessairement, fermer sa bouche devant le patron. Et les abus nécessairement, même si dans le fond j'espère y arriver comme chacun de mes potes, que notre son fasse lumière sur nos vies et le chagrin des pauvres. Plus ça bave sur nos codes plus, on met fin aux propagandes en faisant du son lourd et des refrains que nos gars scandent. Car ici la chance est rare comme un aveugle qui fait ta guerre. Tu fais que j'ai choisi de rap, crier en faux, ferme ta gueule. Mec, plus je rentre dans ce monde, plus j'en suis aigri, c'est pourquoi beaucoup posent des bombes. En parlant de mépris, plus j'entends ces politiques, plus pour moi c'est de la merde. Et si de leur place ils ne voient rien, et bah je leur cède la mienne. Plus qu'elle fait du son, plus on prend de la valeur, bossant nos phases ici, rêvant qu'un jour on les vendra ailleurs. Nous on est nos proches, on est pas de ceux qui délaissent leurs potes. Là c'est KF, sur un son VS à droite.